Les découvertes musicales de Fadjet. Adèle Tango, c'est la rencontre entre une voix, celle de Marie, et une écriture, celle de Lucas. Ensemble, ils évoluent dans des ambiances acoustiques, mais pas que, où se mêlent des textes teintés de poésie portés par la voix de Marie. Parfois drôles, parfois graves, les chansons d'Adèle Tango, concoctées par Lucas, balancent sur des rythmes jazz, pop, blues ou bossa. En début d'année, ils ont sorti leur premier EP intitulé « Même à Paris ». Et un nouvel EP 5 titres est en préparation pour 2023. Mais tout de suite, on vous propose d'écouter sur Fadjet, Même à Paris, d'Adèle Tango. Faites le plein de bonnes ondes avec Fadjet. Mes idées, oh et mes idées, transforment la réalité. Comme les reflets troublants d'un grand miroir déformant, ou rien de vrai. Sirènes et des klaxons, oui, même à Paris, oh, je rêve de Paris. Des jugés, des préjugés, dans mon cerveau sans arrêt, critique ou bien condamne au gré de mes états d'âme et le réel disparaît. Sirènes et des claques.